Voici une quarantaine de fables écrites par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV.